Avant de passer à Pandaléon et The Pretty Reckless, c'est le moment de retourner en arrière, écouter les meilleurs moments d'assemblage requis de la semaine passée. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 20 octobre 2014. D'habitude, on me dit, je vais venir à l'émission, puis là, on annule dans la nuit. Ouais. Finalement, aujourd'hui, on m'a dit qu'on venait pas, puis là, dans la nuit, on m'écrit me dire, je vais être là. Mais voyons donc. David Ferron va être là aujourd'hui. Est-ce que c'était dans un de tes rêves ou c'est arrivé comme pour vrai dans la vraie vie? J'aurais aimé. Non, en fait, je pense que j'aime mieux que ce soit dans la réalité. Mais oui, t'aimerais ça que David Ferron soit dans tes rêves? Toujours. En fait, je me le demande. Hey, moi, j'ai rêvé il y a deux jours que je faisais un riz frit au poulet. Fait que là, on a mangé hier. Ah, miam. Est-ce que tu te réveilles déjà, puis le matin au déjeuner, t'as le goût de manger du riz frit? Pose-toi des questions. Est-ce que ce matin, t'avais le goût de manger du David Ferron? Non, pas encore, mais ça va venir. L'appétit vient en mangeant. C'est toujours genre un décor champêtre. Champêtre. Oui, champêtre. Champêtre plus haut que le trou. Oui, exactement. On a gardé David Ferron avec nous, bien sûr. Comment ça? Comment s'en débarrasser si vous avez des conseils pour nous, on est prenant. Mais bonjour David. Oh. Bonjour. C'est du premier degré ça? Plutôt on va, plus tard, pas plus tôt, on a déjà fait ça. Mais plus tard à l'émission. Ah, mais ça dépend. T'as juste à... Tu mettras ça au montage. On va le faire plus tôt. Là, on vous le dit, puis ça a l'air vraiment malade. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requiert ce mardi 21 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plantin. Moi, c'est Stéphanie Paradis. J'aurais pu dire que je m'appelle Pierre Bruno aujourd'hui. Pourquoi? Je suis tellement congestionné. Hé, hey, toi aussi? Ah ouais. Toi aussi, t'es poigné de la face. Oh, mais non. Tu sais, t'es comme dans un semi-sommeil. Mm-hmm. Puis tu t'entends ronfler. Tu te gosses toi-même, tu sais. Ouais. Et ça, je fais ça en permanence. Là, je me dis, oh, pauvre mon chum à côté qui doit se dire, eh, Seigneur. Pauvre mon chat à côté qui doit se dire, genre. Où peut-on faire caca dans le bois? Ah, t'as dans ses culottes. Puis c'est vraiment des recommandations selon des organismes comme Leave No Trace Sans Trace, en fait. J'aime le nom de la place Leave No Trace Leave The Break. Leave No Trace The Break. Ah, Stéphanie Paradis, on va parler des choses qu'on dit dans la vie. T'sais, on dit des choses, mais des fois, on part à travers notre chapeau, puis des fois, on sait pas trop pourquoi on dit des affaires, puis on pense que c'est la vraie affaire qu'on dit, mais c'est pas la vraie affaire. T'sais. Toi, tu vas être là pour nous dire les vraies affaires, derrière les vraies affaires. Est-ce que je parle trop longtemps avant de parler? Il y en a qui aiment pas les ongles sur un tableau. Moi, c'est la petite palette de bois. Hein. Je trouve ça dégueulasse. Ah, si j'avais à choisir, je prendrais la palette de bois. Ouais. Surtout s'il y avait un popsicle dessus. Avec. Ces temps-ci, en plus, le francophone est un petit peu en manque de bons stocks et je pense qu'on a trouvé quelqu'un qui va, sur qui on va pouvoir compter pour les prochains mois. Oui! Voilà. Parle de pouvoir compter sur les prochains mois. Nous, on va compter sur nos prochains doigts en faisant une liste. Nos prochains doigts? Ouais, le prochain, c'est l'index après le pouce. C'est pas ça, c'est le majeur. OK, je pensais que tu disais que c'est parce qu'on avait comme des doigts de lait. Puis que... on va perdre nos doigts et avoir des doigts d'adulte bientôt, peut-être. Steph, veux-tu l'histoire d'aujourd'hui? Parce qu'on ne s'est pas parlé depuis que je suis arrivé en studio. Non. Je veux vraiment pas qu'on se parle. Ça pourrait comme spoiler nos aventures. Gâcher les surprises. Elle s'appelle Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, je suis tellement content de te l'entendre dire. Vraiment, ça fait ma journée. C'est le genre de choses qui t'excite. Ah, oh, dis mon nom. Ah, c'est my name. Na-na-na-na-na-na-na. C'est quoi ça, donc? C'est quoi, c'est une tune de... Destiny's Child? Aïe, aïe, c'est du Destiny's Child. Qu'est-ce que c'est ça? Sur l'échelle de gradation, t'as froid, t'as chaud. Au milieu, t'as tiède. Okay? Ouais. Et t'as un éventail à gauche et à droite du tiède. Super tiède. Fait que t'as tiède bémol puis tiède dièse. C'est ça. Merci. Gepetto. Chewbacca. Ouais. Chewbacca aussi, ça fait. Pas vraiment. C'est vrai, en termes de poils, ouais. Poils faciaux, là. Des fois aussi, quand il s'exprime. L'Université Laval, qui offre aussi des cours en ligne avec Laval à distance, qui offre plusieurs formations. À Laval à distance? À Laval à distance, écoutez. OK, pas de problème. Sinon, restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Il n'y a pas de deux filles, deux styles, une émission. C'est la semaine de relâche. 2-2-1. 2-2-1. Pas de 2-2-1. Pas de 2-2-1. C'était les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 20 octobre 2014. Petite semaine, je dirais la moitié des meilleurs moments qu'on a d'habitude dans un instant classique, mais quand même du bon contenu. Retrouvez ces montages-là sur assemblagerequis.com et écoutez-nous du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. C'est Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis et moi-même, Mathieu Plante. Voilà.